matin je me réveille, que j'ai la tête sous l'oreiller. Je me dis que c'est toujours pareil, mais cette fois je me recoucher. J'éclate par terre mon réveil, qui n'arrête pas de sonner. Et merde, il faut que je rebalaye, y'a quelqu'un qui vient de sonner. Passer la tête sous l'eau, ce coup-ci je me noierai pas. J'enfile vite fait mon polo, j'ai fini mon verre de calva. Celui qui date d'hier soir, en fait comment ça s'est fini? Cette fête en forme de trou noir, terminée vers minuit. Faut que j'aille ouvrir, rien qu'à voir la gueule que je fais. Le mec là-bas va se dire que j'ai encore du picolé. Je veux pas affronter l'avenir, parce que ce qui risque de se passer, c'est que j'aurais vite fait de revenir à la réalité. Le matin je me réveille, que j'ai la tête sous le robinet. Je me dis c'est toujours pareil, mais cette fois je me couchais.